Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le dernier film d'André Téchiné. Jeanne vit dans un pavillon de banlieue avec sa mère Louise. Les deux femmes s'entendent bien. Louise gagne sa vie en gardant des enfants. Jeanne, sans trop de conviction, cherche un emploi. Un jour, en lisant une annonce sur le net, Louise croit que le destin frappe à sa porte. Elle nourrit l'espoir de faire engager sa fille chez un avocat de renom qu'elle a connu dans sa jeunesse. C'est dans un RER, une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux, ils la croyaient juive. Je m'appelle Jeanne Fabre, je suis née le 18 février 1987. J'ai pris le RER ce matin aux alentours de 6h30. Bonjour madame, c'est la police. Jeanne Fabre habite bien ici. C'était l'heure de pointe dans le RER D. À la station Louvre, 6 jeunes hommes armés d'un... Jeanne et moi... On va se marier. En tant qu'avocat, je dois te conseiller de faire part de tes doutes à la police. À la police, mais tu te rends pas compte? C'est ma fille unique. Les actes antisémites ont augmenté de 50% en France. Pas un de plus, un de moins. Tu mens comme tu respires. Les pétitions se multiplient, puis alors les journalistes, ils sont déchaînés. Je préférerais qu'on parle de ton agression. On aimerait en savoir un peu plus. Une faute a été commise au plus haut niveau de l'État. Ils ont quand même délibérément choisi de communiquer sur la base d'un dossier judiciaire vide. C'est pas cette pauvre fille, c'est eux qui ont fabriqué l'affaire du RER. La fille du RER, un film d'André Téchiné avec Émilie Dequesne et Catherine Deneuve, un DVD UGC.